Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Bienvenue dans la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante, l'émission qui chaque mois vous raconte la radio à partir des parcours de ceux et celles qui la font vivre au quotidien. Et l'invité de cette mécanique est une voix très peu connue en France, mais très populaire dans le monde francophone et en Afrique surtout. Animateur sur Radio France Internationale, RFI, il donne la parole aux auditeurs du monde chaque matin dans Appel sur l'actualité, une émission devenue parmi les programmes emblématiques de la station qui rassemble plusieurs lieux différents de la planète, et ça bien avant l'arrivée massive d'Internet, s'il vous plaît, parce que c'est ça aussi la force de la radio, elle est sans frontières. Mon invité se nomme Juan Gomez, bienvenue à vous. Merci, bonjour Eddy, bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui. Et bien plaisir réciproque, et on salue nos auditeurs d'Afrique s'ils nous écoutent par internet. Hein. Ah, je l'espère, ils sont nombreux les auditeurs francophones à écouter, à être des passionnés de radio, donc on les salue. Alors on va commencer par le commencement, Juan, oui. bien avant RFI, puisque aujourd'hui vous êtes au micro d'une radio associative, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs ? Aucun souvenir, et pourtant, croyez-moi mon cher Eddy, j'ai rêvé de faire de la radio dès que j'ai eu 10, 11, 12 ans, mais je n'ai jamais eu l'occasion et cette possibilité de rejoindre une radio associative, de rejoindre une équipe, de prendre un micro et de faire de la vraie radio, alors je faisais de la radio dans ma chambre. Ah, avec le fameux magnéto. Avec le fameux magnéto, voilà, rien de très original pour les gens de ma génération qui étaient déjà passionnés de radio. Mais voilà, je m'enfermais dans ma chambre, habituellement, généralement avec un copain, et on faisait semblant de faire de la radio, on enregistrait ça sur des cassettes. Vous avez connu des cassettes, vous ? Oui. J'espérais que l'animateur ne parle pas sur l'intro du disque quand on lance le record. Exactement. Et donc voilà, on passait nos mercredis après-midi et nos week-ends à faire les animateurs radio. On adorait ça. Et voilà. Et je suis ravi d'être, comme à chaque fois que j'ai l'occasion, dans une radio associative. C'est vrai que les moyens, vos moyens à vous, et comme les nombreuses radios associatives que j'ai eu l'occasion de visiter, notamment sur le continent africain, travaillent avec des bouts de ficelle, et malgré tout, et c'est ça la force de la radio, la magie de la radio, et malgré tout, vous faites du bon boulot, on peut travailler avec peu de moyens, mais on arrive malgré tout voilà, à s'adresser aux auditeurs, à faire passer des messages, et à les accompagner tout au long de la journée. Un média de partage. De voilà. Partage, ah oui, tout à fait, de partage, oui. Alors, justement, vous dites que vous n'avez pas fait de radio associative, vous en faisiez dans votre chambre, mais alors du coup, moi, je voudrais savoir comment vous l'avez eu, ce virus ? Alors, ce virus, il est... Alors, d'abord, j'adorais écouter la radio. J'adorais écouter la radio, et alors, j'ai déjà raconté quelques fois, mais je suis d'origine espagnole, Juan Gomez. Bon, voilà, rien de très original, mais on allait tous les étés en Espagne. Et dès qu'on arrivait en Espagne, j'adorais écouter la radio espagnole. Je devais avoir là 6 ans, 7 ans. La façon de parler, la chaleur dans la voix, il y avait une ambiance différente de l'ambiance proposée par les radios françaises. Alors peut-être que c'était l'été, je ne sais pas, mais j'adorais écouter la radio. Donc je passais mes étés à écouter la radio. Ensuite, en revenant à Paris, puisque c'était à Paris qu'on vivait, je disais à mon père, mais essaie de trouver la radio espagnole, parce que elle me manquait, cette radio espagnole, cette voix, la musique, etc. Et donc j'écoutais le soir à la maison la radio espagnole sur onde moyenne. Voilà, on rappelle pour les plus jeunes qui nous écoutent, Internet n'existait pas à l'époque. Ah non, il y avait pas d'internet. Et donc j'écoutais la radio espagnole en onde moyenne. Donc voilà, je voyageais, je rêvais, je trouvais ça déjà formidable. Parce que étant enfant, j'avais l'impression que l'Espagne, c'était à l'autre bout du monde, évidemment. Et je me dis, mais comment je peux... quelle est cette magie qui me permet d'écouter des voix venant de si loin, les voix espagnoles, de la radio nationale espagnole. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai mordu à l'hameçon, c'est comme ça que je suis devenu accro. Et puis je fais partie de cette génération qui, en 1981, au moment de la libéralisation des ondes, l'élection de François Mitterrand, ont donc connu l'arrivée sur la bande FM de nombreuses radios, certaines plus folles les unes que les autres, mais on adorait écouter ça. Hein, le soir, on écoutait, et le lendemain matin, on se racontait entre nous, copains de classe, pendant la récréation, les émissions qu'on avait écoutées la veille. Voilà. Voilà les souvenirs marquants. Alors justement, on parle des radios libres, justement, vous en écoutiez. Mais est-ce que vous avez déjà été tenté d'ouvrir la porte de l'une d'entre elles de... Non, mais parce qu'à l'époque j'avais 12 ans. Bon, à 12 ans, on a envie d'aller frapper à une porte, mais on se dit bon, faut demander l'autorisation de papa, maman. On n'a pas les contacts nécessaires, etc. Donc c'était très compliqué. Donc j'ai attendu d'avoir 18-19 ans pour essayer de frapper à quelques portes. Alors, juste avant, petite parenthèse, puisque vous parliez des radios espagnoles, ça peut être intéressant d'en parler, puisque vous évoquez les ondes moyennes, et moi, par mon expérience de jeune auditeur à l'époque, moi, c'est vrai que je passais aussi des nuits à écouter, à zapper sur les ondes moyennes, à écouter Londres, Madrid, l'Italie, et c'est ce qui me fascinait aussi, comme vous, c'est l'idée d'écouter une radio qui émet depuis hors des frontières françaises, à des kilomètres, ouais. Ça a un certain charme. Ça a énormément de charme, et on voyage, même si on comprend pas forcément tout ce que disent nos confrères des radios anglaises ou italiennes, ou ailleurs. Mais voilà, on ferme les yeux. Généralement, c'est la nuit parce que c'est le moment où les ondes passent le mieux. Oui, et on peut écouter nos camarades des radios étrangères. Mais voilà, on voyage et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il dit, la radio, c'est le partage. Et vous en écoutez encore aujourd'hui des radios espagnoles ou est-ce que vous restez connecté à ce pays? Alors maintenant, oui, alors je reste connecté en y allant évidemment régulièrement et en écoutant. Alors maintenant, évidemment, avec Internet, le téléphone portable, on a les applications, on peut écouter à tout moment la radio qu'on a envie d'écouter. J'écoute même des radios locales qui sont très très peu écoutées parce que c'est la radio du pas très loin du village où je vais pendant l'été en vacances. Je les écoute de temps en temps et donc voilà. Mais ça, c'est grâce à l'outil Internet évidemment. Alors du coup, on revient sur votre parcours. Moi, je voudrais savoir aussi, au niveau des études, est-ce que la radio, déjà à cette époque, a eu une influence sur vos orientations? Pas du tout. Alors moi, je savais que je voulais faire de la radio très jeune. 12 ans, je savais que je voulais faire de la radio. Évidemment, à 12 ans, ça se résume à parler dans un micro, faire de l'animation, et au fil du temps, cette passion, évidemment, prend de l'ampleur, mais très curieusement, au lieu de faire une école de journalisme, des études de journalisme, je me dirige vers des études de lettres et civilisations espagnoles. Étant bilingue et un peu feignant, je me suis dit bon je prends la facilité, je vais prolonger mes études après le bac, des études de lettres et civilisations espagnoles. Donc je n'ai pas fait d'école de journalisme. Autrement dit, j'ai appris le métier au jour le jour. Sur le tas. Sur le tas, exactement. Et alors comment ça s'est passé du coup? Comment vous êtes entré dans... J'ai envoyé une lettre. Une lettre, comme un écrivain qui a fini son livre et qui envoie une lettre comme ça à des maisons d'édition, n'ayant aucun piston, aucun contact, j'ai envoyé une lettre à Radio France. En leur disant, lettre de motivation, bonjour, j'ai 19 ans, je suis hyper motivé, j'adore la radio, papapi, papapa, etc. Voilà, j'aimerais rejoindre l'une de vos équipes. J'envoie une lettre comme ça en me disant, jamais ils ne me répondront. Et bien si. Donc à tous ceux qui nous écoutent, si vous êtes très très motivés, si ça se ressent dans votre courrier, vous serez peut-être un jour rappelé, parce que justement c'est ça qui a marqué le responsable qui a lu ma lettre, c'est qu'il s'est dit, tiens, un jeune aussi motivé, il mérite au moins d'être rencontré. Donc je reçois un premier coup de fil, prise de rendez-vous, évidemment j'arrive à la maison de la radio, j'étais impressionné, c'était la première fois que j'accédais. En plus. Ah bah oui, je pouvais me promener dans les couloirs de la maison de la radio, je croise deux trois têtes connues, des personnes de l'époque, je dis waouh, génial, etc. Et à ce moment-là, j'ai mon entretien et on me propose un job d'étudiant. On me propose d'être standardiste d'émission l'été et notamment pour l'émission Le Téléphone Sonne sur France Inter. Alors évidemment, banco, j'accepte et je passe donc tout un été dans les couloirs de France Inter et surtout au standard de France Inter. Alors, on va continuer cette histoire passionnante radiophonique Juan Gomez. On va faire pour l'instant une première pause musicale. Encore une fois, dans cette émission, l'invité fait la programmation. Oui. Et là, vous nous avez choisi un extrait du dernier album de son vivant, d'Alain Bachung. Ah oui, Alain Bachung, oui. J'adore écouter Alain Bachung. J'adore la puissance de ses mots, même si je ne comprends pas forcément toutes ses phrases. Et puis, j'adore la beauté de sa mélodie, sa voix. J'ai une petite anecdote. J'ai vu Alain Bachung sur scène à l'Olympia, ça devait être en mai ou en juin 2008, on le savait malade, on le savait très fatigué, mais on ne savait pas que ce serait la dernière fois qu'on pouvait le voir sur scène. J'y étais, et 10 mois plus tard, il nous quittait. C'est un grand terrain de nulle part, avec de belles poignées d'argent. La lunette d'un microscope et tous ces petits êtres qui courent. Car chacun va qu'à son destin, petits ou grands, comme durant les siècles égyptiens, péniblement. A porté 1000 fois son poids sur lui, sous la chaleur et dans le vent. Dans le soleil ou dans la nuit, voyez-vous ces êtres vivants? Voyez-vous ces êtres vivants? Voyez-vous ces êtres vivants? Quelqu'un a inventé ce jeu. Terrible, cruel, captivant. Les maisons, les lacs, les continents, comme un ego avec du vent. La faiblesse des tout-puissants, comme un Lego avec du sang. La force décuplée des perdants, comme un Lego avec des dents. Comme un Lego avec des mains. Comme un Lego. Comme un Lego d'Alain Bachung, qu'on ne pourra pas écouter en entier puisque cette émission passe à une vitesse et le titre dure 9 minutes. Je ne vous en veux pas, mon cher Eddy. Mais c'est une très belle chanson, en tout cas, que vous nous avez proposée, Juan Gomez. Bah, merci surtout à Alain Bachung de nous avoir légué, laissé tant de belles chansons. Je m'en lasse jamais. Toute sa discographie est à écouter et à découvrir, si ce n'est pas encore fait, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent. Juan Gomez, donc animateur de l'appel sur l'actualité sur RFI. Et là, on est encore dans l'avant-appel sur l'actualité, puisque là, on était à Radio France, vous étiez tout jeune, oui, dans le téléphone sonne. 19 ans, standardiste. Au culot, en plus. Bah, au culot, en envoyant une lettre, voilà, et c'est vrai que j'ai appris énormément, rien qu'au standard de France Inter. J'étais mais comme une petite souris dans un studio, je regardais tout ce qui se passait, je regardais comment, de l'autre côté de la vitre, les techniciens, les réalisateurs travaillaient, je regardais évidemment les présentateurs, les journalistes, devant leur micro, comment ils arrivaient, comment ils se positionnaient par rapport au micro. Bref, je n'ai fait que regarder et répondre, évidemment. Au téléphone, c'était le job, mais voilà, et ça a conforté véritablement voilà mon choix d'essayer de poursuivre dans ce milieu de la radio. Alors justement, l'année suivante, en 1992, alors ça tombe à pic parce que c'était une année qui était riche en événements pour l'Espagne. Oui. Il y a eu l'exposition universelle à Séville, mm-hmm. il y a eu les Jeux Olympiques à Barcelone. Oui. Et à ce moment-là, donc, vous en profitez pour essayer de tenter votre chance à RFI. À ce moment-là, le jeune standardiste que je suis se dit, je suis bilingue, je parle couramment l'espagnol. Et si je partais avec un Agra en Espagne, un Agra, c'est un appareil à l'époque qui pesait une quinzaine de kilos et sur lequel on mettait des bandes et qui vous permettait d'aller réaliser des reportages, des interviews. Et je me suis dit, c'est l'occasion rêvée. Je vais essayer de convaincre les différentes directions de France Inter, l'info et les magazines, et je vais leur proposer des sujets à Barcelone, à Séville, et je suis allé à ce moment-là pour la première fois frapper à la porte de Radio France Internationale qui se trouvait à l'époque à la maison de la radio également, et là pour le coup je suis allé au culot, mon cher Eddy, je suis allé directement toquer à la porte du directeur de RFI, surpris de voir un jeune homme arriver comme ça, et je lui dis bah voilà, je travaille à France Inter, je fais quelques reportages, je pars à Barcelone, à Séville. Est-ce que ça peut vous intéresser? Alors là, il me dit, oh, bah, comme ça, au pied levé, je peux pas vous dire, revenez dans une semaine. D'ici là, j'aurai fait plusieurs réunions de éditoriales et il y aura peut-être des animateurs ou des présentateurs qui seraient intéressés par vos reportages. Et là, je fais la connaissance, une semaine plus tard, d'un jeune journaliste à RFI qui avait déjà son émission destinée justement pour les jeunes. Et il me dit, super, tu pars à Barcelone, je voudrais un reportage sur le rock catalan, je veux un reportage sur la vie nocturne à Barcelone, je veux un reportage. Très bien. Et évidemment, et comme c'est le cas encore aujourd'hui, si le reportage est bon, il est diffusé et vous êtes payé. Et s'il n'est pas bon, bah, il n'est pas diffusé et vous n'êtes pas payé. Bref, je suis revenu avec des reportages. Ils ont été diffusés les uns après les autres sur RFI dans cette émission qui a été présentée par Franck Mathieu. Génération. Génération, exactement. Génération. Et là, il me dit, mais waouh, super, t'as envie de continuer? Je dis, bah oui, bien sûr, évidemment. Et donc il m'a dit, ben voilà, tu vas venir tous les jeudis dans l'émission Génération, tu as carte blanche, tu me proposes des sujets, et c'est comme ça, voilà, que j'ai fait mes premiers pas à Radio France Internationale. Voilà. Génération, quoi. C'est étonnant quand même, comme quoi le culot ça peut mener et attendez, et parallèlement j'allais à la fac, hein, parce que je continuais mes études. Ah oui. J'étais en 92, j'avais 22 ans, j'étais 92, j'étais en deuil, je faisais mes études, je faisais de la radio, et comme j'ai commencé au téléphone sonne à France Inter, j'étais également assistant au téléphone sonne, c'est-à-dire que j'avais quitté le standard. Et j'aidais Alain Bédoué, qui présentait le téléphone sonne à l'époque, à préparer ses émissions, voilà, appeler des invités, etc., pour monter les plateaux du soir. Donc j'avais des journées quand même, somme toute, bien chargées. Et comment vous vous sentiez justement à vos premiers micros à RFI? Alors, à ce moment-là? J'avais le trac, énormément le trac. Je préparais énormément. Après, j'ai eu la chance d'avoir deux écoles de radio. J'avais l'école d'Alain Bédoué au téléphone sonne sur France Inter où j'étais son assistant. Je voyais comment il préparait ses émissions. Rien n'était laissé au hasard, même s'il y avait une énorme part d'improvisation, mais il travaillait énormément ses dossiers. Donc j'étais très admiratif. Et parallèlement, je travaillais donc à RFI avec Franck Mathieu, qui lui était dans l'improvisation totale. Franck arrivait parfois, il me disait de quoi on parle, mais il arrivait à une minute du studio de l'antenne. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Donc moi j'avais bien préparé tout ça, mais lui avait ce don aussi d'être talentueux dans l'improvisation, capacité à rebondir, qui était incroyable. Et donc je me suis inspiré de ces deux personnalités de la radio, Franck Mathieu et Alain Bédoué. Et donc j'étais très heureux, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Et juste après ça, toujours à RFI, là on vous confie une nouvelle émission qui est diffusée en soirée, c'est Les Visiteurs de la Nuit. Oui, alors le fameux Franck Mathieu en question est promu directeur. Il devient directeur de l'antenne de RFI et il me dit, mon cher Juan, j'ai suffisamment confiance en toi pour te confier une émission tous les soirs. Je veux une émission qui va durer 1h30, Les Visiteurs de la Nuit. On s'adresse à l'Europe, c'était une émission diffusée uniquement sur le continent européen. Et je veux que tu nous parles tous les soirs des phénomènes de société, des phénomènes de mode, de tout ce qui bouge dans cette Europe qui est en train de changer, puisque quelques années plus tôt, le mur de Berlin est tombé et donc forcément on découvrait tous ces pays qui pendant des décennies sont restés repliés sur eux-mêmes, ils ne pouvaient pas faire autrement et donc on parlait de sujets extrêmement graves. Des sujets parfois très très légers. On avait, je sais pas, le groupe de rock numéro 1 russe qui était de passage à Paris pour un concert dans une petite salle. Ils venaient jouer en studio en direct. Enfin voilà, c'était tous les jours on faisait une émission différente dans son format, dans sa forme et on mélangeait les genres et les thématiques différentes. Et c'est une émission qui avait duré combien de temps à peu près ? Pas très longtemps, 2 ans à peu près, si ma mémoire est bonne, parce que les directeurs, c'est comme ça, ils sautent de temps en temps, ils sont gentiment remerciés, et donc voilà, il y a une nouvelle direction qui est arrivée, qui a voulu mettre à plat certaines choses. Heureusement pour moi, ils m'ont dit on supprime cette émission, mais on a envie de te garder sur l'antenne de RFI. Tu vas reprendre en main l'émission pour les jeunes, cette émission que tu avais sur laquelle tu avais commencé. Et donc voilà, j'ai présenté cette émission Génération pendant une petite année. Quand là, RFI se révolutionne, RFI devient une radio toute actualité. Et à ce moment-là, le nouveau directeur de Radio France Internationale, un certain Alex Taylor, me propose d'animer une émission interactive, de donner la parole aux auditeurs tous les matins sur l'actualité. Et alors, comment vous êtes retrouvé là-dedans et surtout comment vous êtes senti au moment de commencer cette émission, parce que c'est un nouveau challenge finalement. Alors c'était un nouveau challenge. C'est presque votre propre téléphone sonne. Et exactement. Et alors déjà j'étais très ému parce que ça m'a rappelé évidemment mes premiers pas radiophoniques, mais surtout j'étais très très angoissé. À l'époque, le téléphone existait évidemment déjà. Nous on est l'essentiel de notre auditoire à RFI se trouve sur le continent africain, l'Afrique francophone. Évidemment, il y avait des téléphones, mais les téléphones ne fonctionnaient pas bien. C'était du téléphone fixe. Donc ça veut dire que pour que les gens nous appellent, il fallait qu'ils soient soit à la maison, soit au bureau. Au bureau, c'était compliqué parce qu'il fallait... ça veut dire qu'on passe des coups de fil internationaux, votre supérieur hiérarchique ne sera pas content. Donc, on se disait, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Et ça a marché très très rapidement. Les gens commençaient à appeler pour commenter l'actualité. Il faut dire qu'on choisissait des sujets qui, évidemment, donnaient envie de passer... un coup de fil en France pour s'exprimer. Et très rapidement aussi, le téléphone portable s'est démocratisé en Afrique. C'est-à-dire que les gens se sont retrouvés en l'espace de 2 ans avec 2-3 téléphones portables dans chaque main. Dans chaque main. Parce que figurez-vous que on se retrouve en France, vous êtes abonné, je ne vais pas citer de marque, mais vous avez plusieurs opérateurs téléphoniques, que vous avez l'opérateur A, vous appelez l'opérateur B, un camarade qui a un opérateur B, ça ne vous coûte pas plus cher. Mais en Afrique, encore aujourd'hui, ça coûte cher si vous appelez des opérateurs différents que au vôtre. Donc les gens ont un téléphone par opérateur. Et il y a une telle démocratisation du téléphone, là les gens ont commencé à nous appeler, ont commencé à nous envoyer des SMS, et puis alors là, quand le Internet est arrivé sur le téléphone portable, là, ça a été un succès incroyable parce que les gens pouvaient nous envoyer des WhatsApp, nous envoyer des messages via Facebook, etc., gratuitement. Alors, du coup, appel sur l'actualité, on va en parler maintenant. Moi, je voudrais savoir déjà comment ça se prépare une émission, en sachant qu'elle dure une quarantaine de minutes, oui, puisqu'il y a les flashs de 10 minutes entre deux. Et je pense aussi par expérience, gérer autant d'auditeurs en si peu de temps, ça peut s'avérer compliqué. Alors il y a une équipe évidemment qui est là pour accueillir les auditeurs qui sont au standard, qui rappelle les auditeurs qui nous envoient des messages sur les réseaux sociaux. On fait une sorte, on organise un débat tous les matins, donc on sélectionne les auditeurs qui passent à l'antenne. C'est une sélection qui se fait non pas en fonction des opinions. On veut qu'on, en fait, ce qu'on veut tous les matins, c'est que l'antenne ressemble, soit le miroir de toutes les réactions que nous avons. On diffuse sur le continent africain, on a des thématiques qui sont ultra sensibles. On peut pas se permettre de laisser passer n'importe quoi à l'antenne, sinon, au final, c'est un émetteur de RFI qui est coupé, ou voilà, peut y avoir des problèmes. Donc, on est obligé d'équilibrer, mais d'équilibrer en respectant la majorité des auditeurs et des opinions qui nous appellent. Donc on a toute une équipe, effectivement, qui n'est pas si importante que ça, mais quand même, elle est conséquente, qui, en amont, permet de sélectionner les auditeurs et de ensuite les passer à l'antenne. Il y a le choix des sujets aussi. Avec une totale liberté, une indépendance totale pour le choix des sujets. Évidemment, on choisit des sujets sur lesquels on se dit tiens, il y a matière, il y a polémique, il y a débat, et donc voilà, on essaye d'être. C'est compliqué. Et là, je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent en ce moment à Paris ou ailleurs dans le monde, mais la majorité de votre auditoire est en région parisienne. C'est compliqué d'être à Paris et de s'adresser à des auditeurs qui sont à 5-6 000 kilomètres. C'est compliqué de faire de la proximité quand on est si loin. Et pourtant, c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. Tous les jours, tous les matins à travers l'émission que je présente et tout au long de la journée sur l'antenne de RFI. Et pour faire de la proximité, il faut des sujets qui concernent notre auditoire. Alors parfois, ce sont des sujets qui vont concerner un pays bien spécifiquement. Parfois, on essaye régulièrement et le plus souvent possible d'avoir des sujets qui intéressent toute une sous-région, toute l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Ça représente quand même une dizaine de pays. Des thématiques où les auditeurs des différents pays se retrouvent et peuvent réagir, témoigner, dialoguer entre eux, puisque c'est la force de RFI, c'est d'avoir en direct le matin un auditeur de la République démocratique du Congo qui va dialoguer avec un auditeur du Sénégal. On est la seule radio au monde à proposer cela aux auditeurs. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, la force de la radio qui est de relier plusieurs pays, de casser les frontières. De casser les frontières, et la force de la radio, c'est aussi, vous êtes sur le chemin du travail, vous écoutez RFI, et vous dites « Ah, mais ça m'intéresse, je vais appeler ou j'envoie un WhatsApp », et c'est d'être au volant de sa voiture avec le casque, évidemment en casque oreillette, et de pouvoir vous exprimer sur une radio internationale et de pouvoir dialoguer avec un auditeur qui est à l'autre bout du continent. Et ça, c'est la magie de la radio. On va rester connecté à l'Afrique, Juan Gomez, avec votre deuxième choix musical, Tikenja Fakoli, et ça c'est un de ses derniers morceaux. Oui, dernier morceau, parce que bon, Tikenja Fakoli, reggae man, hein, je précise pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un musicien, chanteur, mais c'est quelqu'un qui a cette force, il sait parler à la jeune génération africaine, il interpelle aussi bien les jeunes que les dirigeants africains sur des thématiques ultra sensibles, et voilà, j'avais envie de vous proposer un extrait de son dernier album. Gouvernement 20 ans. Gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. Quand tu te poses, c'est 20 ans. Si tu avais que tu manges 20 ans, John Magolandais, Moma Sinulandais. Gouvernement 20 ans, quand tu parles un peu c'est 20 ans. Si tu lèves le poing c'est 20 ans, John Magolandais, Moma Sinulandais. Si tu te rebelles, tu peux prendre 20 ans. Mais si tu les suis, tu peux manger tranquillement 20 ans. La démocratie n'a pas sa place dans ce système. Qu'importe la géographie, en Afrique c'est 20 ans. Ouais, yeah. parles un peu, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. Quand tu te poses, c'est 20 ans. Mais quand tu es là-bas, tu manges 20 ans. Si tu suis le président, tu manges 20 ans. Si tu es contre le mouvement, tu peux prendre 20 ans. Malgré le serment, il n'y a pas de changement. Ici le jugement, c'est 20 ans. Gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. John Magolandais, Moma Sinonais. Les mêmes actions produisent les mêmes effets. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Quand tu changes de camp, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. John Macolandais, Moma Sinilandais. Gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. John Magolandais, Moma Sinilandais. Anga Sabali, Kounoutouye, Kounouye. Anga Sabali, Pie, Pie, Pie. Anga Sabali, Sinye, Sinye. Gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. Quand tu te poses, c'est 20 ans. Si tu es avec que tu manges 20 ans. John Magolandais, Moma Sinilandais. Gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. Quand tu te poses, c'est 20 ans. Si tu es avec que tu manges 20 ans. John Magolandais, Moma Sinilandais. Gouvernement 20 ans, nouvelle chanson de Tikenja Fakoli à l'instant sur Fréquence Protestante et dans la mécanique des ondes, choisie par Juan Gomez, animateur d'appel sur l'actualité tous les matins sur RFI depuis 25 ans maintenant. Vous avez jamais été lassé une fois? Jamais. Mais non, mais quand on réalise tous les matins son rêve de gamin, forcément, on peut être fatigué, on peut avoir des courbatures un matin, mais regardez le rouge qui est devant nous là. Le rouge, quand ce rouge s'allume, c'est que le micro est ouvert, et là, croyez-moi que vous avez beau être fatigué, vous avez toute l'énergie du monde pour essayer d'être le meilleur à l'antenne. Quand j'ai dit lassitude, c'est surtout parce que en radio, c'est rare d'avoir une émission qui ait une si belle longévité. Oui, mais on ne fait, c'est une émission d'actualité. On ne fait jamais deux fois de suite le même sujet. L'actualité change d'heure en heure. J'ai beau parler une semaine sur le même sujet, je ne dirai jamais la même chose que la veille. Donc, non, il n'y a pas de lassitude. Au contraire. Et là, je rebondis justement sur la chanson qu'on vient d'écouter. En 25 ans d'émission, je suppose que vous avez vu aussi l'Afrique évoluer. Évoluer. Alors dans le bon sens, on va dire. Alors l'Afrique, c'est vaste. Hein, et voilà, il faut pas non plus généraliser, mais l'Afrique francophone, je l'ai vu évoluer dans le bon sens à un moment donné, effectivement, avec la fin des partis uniques, l'arrivée du multipartisme, des premières élections, des conférences nationales qui démocratisent le pays, etc. Donc il y avait une vraie dynamique démocratique. Et puis là, c'est deux dernières années, voire même ces cinq dernières années, ça se complique. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail de beaucoup de choses, mais on a des chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir, qui modifient la Constitution pour pouvoir briguer un nouveau mandat, donc pour rester plus longtemps, évidemment, aux affaires. On a donc par ricochet des coups d'État, des militaires qui se soulèvent et renversent le président. Donc voilà, voilà. Je n'ai pas de boule de cristal, mais voilà, politiquement, l'Afrique a beaucoup changé effectivement en 25 ans. et à voir ce qu'elle nous réserve d'ici les 25 prochaines années. Qui oui, en même temps, je suis optimiste, hein, parce qu'il y a quand même, vous avez quand même une grande partie de cette jeunesse d'Afrique francophone qui veut aller de l'avant, qui veut créer, investir, qui a plein de projets, bon, qui demande qu'une chose, c'est qu'on puisse lui donner un minimum de moyens, et ces moyens, on ne peut leur donner que si le pays est stable, et qui dit stabilité dit par ricochet également démocratie. Donc, voilà, je crois en cette jeunesse, et je suis globalement très optimiste. Et alors, pour écouter souvent RFI de temps en temps quand il s'agit d'infos internationales, moi je me posais une question et je voulais avoir votre avis là-dessus. Oui. Selon vous, est-ce que l'actualité du monde est suffisamment abordée par les médias en France ? Non. Ah, je vous dis tout de suite non. Hormis la presse écrite, on ne parle de l'actualité internationale que si en France, hein, que si les intérêts français sont concernés. C'est-à-dire si vous avez, je sais pas, les Français dans le pays en question, les militaires français qui sont déployés dans ce pays. Voilà. Sinon, bien sûr. Alors, je vous parle pas au moment de l'élection présidentielle aux États-Unis. Enfin, vous voyez, des gros sujets. Mais de l'actualité internationale au quotidien, elle n'est évoquée que par le prisme français. Voilà. Hormis, je vous dis encore quelques dossiers clés comme les États-Unis, le Moyen-Orient, tension entre Israélo-Palestiniens. Donc voilà. Mais regardez, par exemple, l'Ukraine. Tout le monde a redécouvert l'Ukraine fin février, mais depuis 2014, il y avait régulièrement des tensions en Ukraine, à l'est de l'Ukraine. Qui l'évoquait au quotidien ou ne serait-ce que de façon mensuelle? Personne, à part nos confrères de la presse écrite, je pense au Figaro, Libération, Le Monde, évidemment, et une radio internationale comme la nôtre, RFI. Alors justement, vous parlez de l'Ukraine, moi je me souviens aussi l'avoir entendu sur RFI en zappant le matin même. Moi je pense que vous avez dû être confronté dans votre émission à des imprévus à gérer au niveau des sujets. Est-ce que c'est déjà arrivé de déprogrammer une émission aborder un sujet brûlant ? Régulièrement, quand l'actualité le demande, on change le sujet qui était prévu. On s'adapte. Hein. Vous avez un coup d'État dans un pays, vous avez une personnalité politique ou très très populaire qui décède. Évidemment qu'on change, comme toute rédaction, on change le programme initialement prévu, mais on s'adapte. La mécanique des ondes. Un récit passionnant de Juan Gomez, donc, qui a commencé donc à la maison de la radio, avec les radios espagnoles aussi avant, et donc qui aujourd'hui écoute et parle à l'Afrique tous les jours sur RFI dans Appel sur l'actualité, qui change d'horaire en France, hein, deux fois par an. Ça, oui, avec le changement d'heure. C'est ça, voilà, exactement. Quand on est une radio internationale, on diffuse en temps universel, c'est-à-dire qu'on donne l'heure. Là, actuellement, on peut donner l'heure ou pas ? Allez-y. Il est 13h51 à Paris, et donc il est 11h51 en temps universel. C'est ça que j'adore aussi dans la radio. Puis à RFI aussi, c'est ce côté, on indique l'heure. Et donc, toute l'année, on diffuse à la même heure en temps universel, mais comme on est en France, à Paris, on diffuse depuis Paris, on change. En adaptant. Oui. On adapte, soit c'est 10h, soit c'est 9h. On va passer maintenant à la partie questions de cette émission. C'était pas des questions que vous m'avez posées jusqu'à présent ? Ah si, c'est pour le récit, on va dire. Là, on va écouter la question capsule, question de l'invité précédent, c'était Rémi Joudin, qu'on écoute tout de suite. Juan, bonjour. Alors, on s'est rencontrés il y a de nombreuses années, quand, formateur, j'ai accompagné un groupe dans votre studio pour assister à l'émission. Et ce groupe avec qui je travaillais venait du Congo Kinshasa. Et quand je leur ai dit qu'on allait voir Juan Gomez, c'était un petit peu comme si on allait rencontrer le Messie, hein, carrément. C'est là que j'ai découvert à quel point vous étiez numéro un sur place. Et alors ma question c'est, quel effet ça fait finalement d'être sur une radio que la plupart des Français n'écoutent pas beaucoup puisqu'il n'y a de fréquence qu'à Paris, mais d'être numéro un comme ça, notamment à Kinshasa et au bout du monde. Comment est-ce qu'on vit ce décalage un peu bizarre ? Eh bien, mon cher Rémi, on le vit très très très bien. Le fait de pouvoir se promener dans Paris tranquillement sans qu'on vienne vous interpeller toutes les deux minutes, c'est quand même très très agréable. Alors certains diront mais pour votre ego, etc. Non non, mon ego va très très bien et je m'en rends compte. Voilà, j'ai l'occasion d'aller et cette chance d'aller à plusieurs fois dans l'année sur le continent africain à la rencontre de nos auditeurs pour faire des émissions en public. Et c'est vrai que je reste une semaine et c'est une semaine de folie avec parfois la nécessité de faire appel à des gardes du corps pour aller jusqu'à la voiture, ah oui, etc. Voilà, bon, c'est ça, c'est quelque chose qui me dépasse, mais je me dis, mais heureusement que ma vie au quotidien ne ressemble pas à celle de certaines stars internationales, et donc voilà. Mais moi je suis toujours surpris par cet engouement et cette voilà ce qu'on peut dégager comme image, et que les gens sont prêts à voilà à faire des selfies avec vous, des autographes. Je ne suis que journaliste, voilà, donc c'est quelque chose qui me dépasse complètement. Mais ça montre aussi très bien l'engouement des RFI en Afrique, le lien très fort entre la radio et puis le continent. La popularité de Radio France Internationale, j'ai cette chance de présenter une émission qui donne en plus la parole aux auditeurs. Donc voilà, il y a certainement tous les ingrédients qui sont là pour faire en sorte que la personne qui incarne cette émission soit appréciée. Après, moi j'ai énormément de respect pour les auditeurs, ils le voient, je respecte leurs propos, même si je suis pas forcément d'accord avec leurs analyses, etc. Ce n'est pas mon rôle de juger les propos, mais voilà, je respecte tous les matins les auditeurs qui sont sur l'antenne de RFI, et donc en retour, eh bien, ils me le rendent ainsi. Et juste rapidement, puisqu'on parle d'auditeurs, en 25 ans d'appel sur l'actualité, je suppose que vous avez un petit cercle d'auditeurs très récurrents dans l'émission qui interviennent. Oui, alors après, je ne vous cache pas que j'ai une très mauvaise mémoire. Alors je peux en reconnaître quelques-uns, mais après, quand vous avez, je sais pas, je vais dire un prénom, un Didier en RDC, il y en a plein des Didier en République démocratique du Congo, un Mustapha, un Hassan, ce sont des prénoms tellement communs. Mais de temps en temps, j'en reconnais un au timbre de la voix et je me dis, ah tiens, c'est lui qui appelle. Mais on essaie aussi de faire en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes oui, qui s'expriment, évidemment. J'imagine bien. On va se quitter, mais juste avant, on va pas ternir la tradition de cette émission. Ouais. On va passer au questionnaire rapide, Juan. Allons-y. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle. Oula, personnalité de radio, mon modèle, je pourrais dire Alain Bédoué, puisque c'est lui, c'est avec lui que j'ai vraiment commencé. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence ? Mon adolescence, Énergie, première radio musicale, voilà. Et mon enfance, Radio Nationale d'Espagne. Quelle radio vous réveille le matin ? RFI. Quelle radio vous endort le soir ? Alors ça dépend, parce que je zappe énormément le soir. Je crois que je fais 2-3 fois la bande FM. Je m'arrête parfois sur des rediffusions le samedi soir de votre fréquence protestante. Et c'est ainsi que je vous ai entendu et écouté à plusieurs reprises. Donc c'est vraiment au hasard de mes rencontres nocturnes sur la bande FM. Un endroit où vous écoutez toujours la radio ? Dans mon lit. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais ? Elle est toujours dure. C'est compliqué parce que j'écoute énormément la radio. Non, j'ai pas de réponse. Votre meilleur souvenir de radio ? Waouh ! Et là, je vois la pendule. Vous voulez une réponse en 15 secondes. Meilleur souvenir radio, des émissions en public en Afrique. Ça, cette chance d'aller à la rencontre de nos auditeurs et de faire des émissions en public devant des milliers de personnes, incroyable. Le pire souvenir ? Pire souvenir, non, il n'y a pas de mauvais souvenir, il n'y a pas de pire souvenir, parce que même quand ça se passe mal, au final, vous dites, ça m'a permis de, voilà, c'est une expérience en plus, je le prends de façon positive. Mais je me souviens au Mali, des femmes qui étaient venues en pleine émission manifester pour défendre l'excision. Voilà, imaginez-vous dans quelle situation j'étais, et elles étaient mais des dizaines de femmes à défendre l'excision. Voilà, pour ce moment c'était chaotique, mais avec le recul je me dis je me suis renforcé et je tire toujours des leçons de toutes ces expériences. Et enfin, pour finir, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire de la radio ? Eh bien, allez-y, mon cher ou ma chère, allez-y. Vous rêvez de faire de la radio, si c'est votre passion, eh bien, n'ayez pas peur. Envoyez des lettres, vous allez envoyer 25 lettres, vous aurez peut-être quelqu'un qui vous répondra. Et voilà, et quand on aime, il faut aller jusqu'au bout de sa passion. Il faut vraiment ne jamais se démotiver. Je le redis, je ne connaissais personne. J'ai envoyé une lettre et cette lettre est tombée entre de bonnes mains. Et voilà, et 30 ans plus tard, je suis à vos côtés, mon cher. La lettre qui a tout basculé, on dira. Bah oui, c'est comme ça. Bah oui. Merci beaucoup, Juan Gomez. On vous retrouve tous les matins sur RFI pour Appel sur l'actualité. On vous souhaite encore une longue vie à cette émission numéro 1 en Afrique. Merci et longue vie à la mécanique des ondes. Merci à vous. On se retrouve le mois prochain sur Fréquence Protestante avec de nouvelles aventures radiophoniques. Merci à Arnaud de l'autre côté de l'AREA, de la vitre. Et nous, on se retrouve à tout moment en podcast sur fréquenceprotestante.com et la mécanique des ondes.com.